Lettre de Bretagne, écrit par Victor Pierre, lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre. Environ de Brest, septembre 1866. Me voici au bout de la Bretagne, en plaine armorique, sur les confins du Léonais et de la Cornouaille. La mer s'étend sous nos fenêtres en vaste nappe, tantôt calme et scintillante sous le soleil, tantôt bruissante et moutonneuse. Elle remonte de Brest jusqu'à Landerneau, où elle recueille les eaux ferrugineuses de l'Élorne. C'est sur les élégants clochers de Landerneau que se lève pour nous l'aurore, toute rose, comme dans Homère. Brest envoie les vents d'ouest, doux et tièdes, même quand ils font furie. En face, du côté du nord, des amas de granit, assises gigantesques qui défient la tempête. Autour de nous, l'hortensia, haut de 6 pieds et couronnée de larges fleurs bleues, le fuchsia s'élevant en touffes arborescentes, le tamaris, le figuier, le laurier, tous les arbres de la Provence. Telle est l'Armorique, sévère et riante, des rochers sur ses côtes et des oasis dans ses vallées. Le recueillement semble l'habiter. Avant d'y arriver, on le pressent. Dès l'arrivée, on le respire. À peine quittions-nous le Mans qu'un air de silence universel nous avait frappés. Nous traversions des champs qui semblaient déserts, des villes dont pas un bruit ne s'échappait. La Val d'Or sur la Mayenne, Rennes, vaste et solennelle, se recueille au milieu de ses palais, de ses canaux et de ses places. On dirait que les ingénieurs eux-mêmes ont craint de troubler cette paix ou ces calmes habitudes. La voie ferrée tantôt borde seulement les villes comme à Saint-Brieuc ou les domine comme à Lamballe et à Morlaix. Tantôt elle ne les laisse apercevoir que dans le lointain, comme Guingamp qui trône au-dessus de ses plantures vallons ou les tient même hors de vue comme Lannion et tant d'autres. Ce pays désert est l'un des plus peuplés de France. Ce pays silencieux entend mugir de toutes parts les vents de l'océan. Histoire ou légende, mœurs ou littérature, climat, aspects ou costumes, nous sentons un peuple que la nature comme sa volonté ont tenu à l'écart de ses voisins, qui s'est ramassé sur lui-même et dont l'originalité a ainsi triomphé des siècles. Voyez ces vaches, si petites et si fécondes, ces chevaux, courts et musculeux, farouches, puissants d'arrière-train, ces chaînes qui ne se développent qu'en grosseur et que le vent semble avoir étêtées, comme pour leur donner la force de résister aux orages, ces masses de quartz et de granit qui servent de base à la terre, de fondement aux maisons, de digues contre les flots. N'y a-t-il pas là tous les traits de l'harmonie et de l'unité? L'homme ne dépare pas ces images d'énergie et de solidité. Il se balance, petit et trapu, l'œil bon, les façons un peu gauches, l'allure lente. Les vanités passent à côté de lui, sans plus le toucher que les événements de ce monde. Qu'il vente ou qu'il pleuve, il dormira sur sa barque, sous une tente de voile, au roulis des vagues, tandis que ses enfants jouent sur la plage et que sa femme et sa fille s'aventurent, jambes nues, sur les rochers pour recueillir le goémon. Les vestiges de sa foi sont partout, celles des druides sous forme de dolmens et de menhirs que le temps n'a pas ébranlés. Sa foi actuelle dans ses églises, ses chapelles, ses croix de granit, ses cimetières et ses calvaires. C'est un pèlerinage que le voyage de Bretagne. Chaque paroisse comprend nombre de chapelles que desservent les vicaires. Dès 5 heures du matin, ils s'en vont, à cheval quelquefois, le plus souvent à pied, par les chemins creux, défoncés par la pluie et baignés d'eau. Le dimanche, les membres de la famille se partagent. Les uns vont à la paroisse entendre la grand-messe à 2 ou 3 heures de distance, les autres à la chapelle voisine. Dans le cimetière, la place d'honneur est au curé ou au recteur, devant le clocher ou derrière l'abside. tantôt une simple pierre, tantôt une statue, quelquefois une sculpture en demi-relief sur la pierre tombale, avec une inscription indiquant que les paroissiens ont fait les frais de ces tombes. Point de travail le dimanche. Si le pêcheur vous promène en mer, il n'accepte pas de salaire. S'il pêche, il ne vendra pas son poisson. Les portes et les fenêtres ne sont fermées que pour le vent et l'orage. L'honnêteté, la loyauté, la droiture respirent dans ces physionomies un peu rudes. Il en est plus d'un qui ne sait pas lire sans doute, mais 3 et 4 années durant, il a recueilli les leçons du catéchisme. Il en a pratiqué la morale avant que de la connaître. Il ne voit autour de lui que des exemples de travail, de chasteté et de devoir. Il s'y tient fermement attaché. Qu'on en demande autant à ceux qui savent ce qu'il ignore. L'énergie de ce peuple dans la foi, sa naïveté, sa santé morale avaient touché le cœur de ce pauvre abbé Gabriel. Il aimait à vivre ici. Le spectacle d'un peuple tout entier chrétien réjouissait son âme et retrempait ses croyances. Hélas, à chaque pas nous retrouvons sa mémoire. Montons à droite le chemin qui part de la plage, c'est là la chapelle, où le dimanche à l'évangile, il se plaisait à entretenir ses chers voisins dans une langue qu'il n'entendait pas toujours, mais avec un cœur dont il comprenait les élans. Voici la chapelle domestique où il montait chaque matin à l'autel et qui a été, sur ce coin de terre armoricaine, sa dernière station. Voici, sur la hauteur, l'allée des hêtres où il aimait à se promener, son bréviaire à la main. Voici la chaise où il s'asseyait, à l'abri du vent d'ouest, en face de la mer, dont les spectacles l'énivraient presque en vue de l'endroit où il devait périr. À peine ai-je mis le pied en Bretagne, c'est son souvenir qui m'accueille, et dans ces lieux qui sont tout pleins de lui, il est le premier objet de nos entretiens, comme il en sera longtemps le plus cher.